passé quand on s'imagine le pire est-ce m'en lila arrivé. Laisse à ma femme, il trappe le ballot, le linge et même le loto. M'y fout dehors, m'y tacle le barreau, un pied, il prend un carreau. Laisse à ma femme, il trappe le ballot, le linge et même le loto. M'y fout dehors, m'y tacle le barreau, rassurie coule à point rien. Vila, vila, vila, vila, man.